Blanches prairies des monts et vallées, Dieu a parlé dans l'œil du cyclone, engloutissant villes et cites. La lave a coulé des volcans sur les vieux parchemins des métaphysiciens. La vie est parmi nous, même si cette histoire est déjà ancienne, dans les couleurs de la blancheur primaire. Et je me revois, athée, sans foi pour la connaissance, et sans aucune espèce de curiosité, dans le repli de mes pensées déstructurées. Les couleurs de l'automne s'en sont allées. L'hiver saisit la blancheur du ciel nouveau dans ses bras, sur les monts émerveillés qui font espérer. En soi, comme un gant retourné, l'univers étoilé annonce le printemps à portée du cœur. En attendant, que faut-il dire en ce jour qui ne soit déjà dit ? Demain, je reviendrai pour sourire une dernière fois de tout ce que j'aurais pu apprendre de l'amour. Ouais.